Lucifer, monte en fer, mais la à bord d'un bateau de plomb, nous naviguerons et par ses pouvoirs, moi et mes frères à chanter. Il était temps.